que tout ça va tenir sur mes épaules, mes épaules, mes épaules. Pas bien carré, mes épaules, mes épaules, mes épaules. Pas bien gaulé, pas baraqué. Sur mes épaules. Sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. En pleine jungle, je chantais l'amour et la crasse. Pour quelques joints, le soleil durant mes dépasses. J'avais de la musique sous les ongles et la langue bien pendu, je laissais s'exciter le monde au fond de ma vallée perdue. Écoutez bien ce que je vous dis. Pas du nord, je suis d'ici. C'est pas vraiment le paradis. Je sais ce que je veux et ce que je dis. Ce mec au fil des guns à crédit et je me tire avec. Pas le temps de finir ma chanson que ce vieux rat me braque. Je reste seul sur l'écran où siffle des matraques. D'urgence d'exception, arrêtez le massacre. Tu m'as cassé les doigts, dis. Laisse-moi mourir ou partir, dis. Je reviens pas sur ce que je dis. Ah non. Pourquoi pas, hein? Qui suivait mes traces, je l'ai plumé, désossé et mangé sur place. Liberté, t'as pas de prix, mais pour l'angoisse, c'est gratuit. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. elle est partie en ville, la trop belle Laure Lou. Quand elle est partie en ville, Gros Pierre est resté chez nous. Tilidam, dilidam, dilou. Tilidam, dilam, damelidou. Il s'est passé des semaines, du mauvais temps, du temps doux. Il s'est passé des semaines à perdre le goût de tout. Tididam, dididam, dabididou. Il a reçu une lettre, c'est la belle Laure Lou. Il a reçu une lettre qui n'en disait pas beaucoup. Tididam, dididam, dididou. Tididam. Il a dit à Charles-Émile, il passait ses nuits debout. Gros Pierre est parti en ville, un soir entre chien et loup. Tilidam, tilidam, tilidou. Tilidam, tilidam, tilidou. Quand il eut marché des milles, quand il eut cherché partout, quand il eut payé la ville, est revenu sans le sou. Dididam, dididam, didelou. Dididam, dididam, dabelidou. C'est pour quand tes fiançailles, c'est-y en ville ou chez nous, quand tout le village raille, Gros Pierre attend Laure Lou. Tilidam, dilidam, dilou. Tilidam, dilidam, dalidou. Grande visite au village, c'est la belle Laure Lou qui traverse le village au bras d'un amant jaloux. Tilidam, tilidam, tilidou. Tilidam, tilidam, tilidou. Ils ont retrouvé Gros Pierre dans le chemin des cailloux. On récitait les prières, n'attendra plus Laure Lou. Elle est repartie en ville et n'en a rien su du tout. S'en est repartie en ville, on n'en parle plus chez nous. Dididam, dididam, dididam. Est morte seule en novembre. Adieu, belle Laure Lou. On a trouvé dans sa chambre une lettre et des bijoux. C'était pour le Gros Pierre, mille fois pardon pour tout. Et c'est la sœur à Gros Pierre qui portera les bijoux. Tilidam, tilidam, tilidou. Tilidam, tilidam, tabelidou. Hier, elle est partie en ville. Un collier de perles.

shifting style. Traveling miles and miles, you can hear him humming on a country road as the shadows grow to night. Swinging through 7th Avenue underneath the city light, bringing up with no fear or doubt, we can live our dreams right now. Right à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. C'est mercredi, c'est micro ouvert, l'émission créée par Valérie et animée par votre animateur, par votre serviteur cet après-midi jusqu'à 17h. 17h, nous retrouverons bien sûr toute l'équipe de La Vie comme elle va avec une invitée, la responsable des bibliothèques de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Bien sûr, on parlera des livres. Tout sera autour du livre entre 17h et 18h sur Radio Arc-en-Ciel, La Vie comme elle va. Irène, Eliane, Jean-Pierre et leur invité. À 18h, le rendez-vous est incontournable, surtout aujourd'hui après les fêtes de Loire. Vous retrouverez Violette. Et on va en savoir des choses, on va en découvrir des choses sur ce festival, tout au moins sur la partie musicale et traditionnelle. Traditionnelle, 18h-19h30, c'est chaque mercredi sur Radio Arc-en-Ciel. Can't you see?

qui suis-je? Qui suis-je? Vous êtes qui? Vous êtes né de la racaille. Vous anéantissez l'artiste. Vous êtes soumis à des magouilles. Après la vie, je vous trouverai à la morgue, au cimetière, des marques non déposées. Vous n'avez plus de cœur ni de cerveau. Oh, oh, je vais vous manger. Ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentada à beira de um caminho que não tem mais fim. Este sol que queima no meu rosto, um resto de esperança de ao menos ver de perto seu olhar, que eu guardo na lembrança. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinha, esperando a vida inteira por você, sentada à beira do caminho. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, eu existo.

change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Will you repeat that again, dearie, please? No, they can't take that away from me. Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agit autour de vous. N'est-ce pas, monsieur José Arthur ? Sur Arc-en-Ciel, la vie est cool, la vie est belle. À 17h, vous retrouverez bien sûr La vie comme elle va, l'émission où les livres ont la parole. Eliane, Irène et Jean-Pierre ouvriront leur cœur. Ouvriront leurs livres. 18h, Violette est traditionnelle. 19h, ouverture de l'agenda des sorties. Plein de surprises, j'en suis sûr. En attendant ces heures, on se laisse bercer par un bel orgue. Thank you. creole. My girl, there's solace in lay. N'avait cochis et miento mochi. Berlin Veshua, son Vrish Clay. Rain becomes silver, leaves turn to gold.

lo so, John Duarte. Se tu marci a Parì, io te seguo la ti. Se tu marci a Parì, io te sono John Duarte. Ai, ciu ciu, ai, ciu ciu. Fatto la fatica, ciu ciu, a donde tu va? Ciu ciu, cosita sabrosa, ciu ciu, tu me straniera. Se tu marci a Parì, io te seguo la te. Se tu vieni a Parigi, io seré también.

gonna get your share. People sometimes try to rule the world, rejoicing while the weak ones fail. You can't make the black contain, be a prisoner in his own land, and turn him into a slave. Cross that color. Sugar Ray, say hey, Jackie Robinson, say hey to Satchel Paige, say hey, say hey, calling on America, an irresistible answer, to take freedom instead, reverse the hearse and down the drain. Here's a message that he gave me. When you walk the color line, better beware, they're gonna stop and stare. When you cross the color line, better take care, you're gonna get your share. Cross that color line, oh, oh, oh, oh, oh. Cross that color line. Walter Clifton, to Jackie Johnson, to Josh Gibson, to Shirley Bowen, and say hey. When you cross, when you cross, when you cross your color line, yeah. When you cross, when you cross, when you cross the color line. Arc-en-ciel, la FM en couleur, en couleur, couleur, couleur. Thank you. point your finger, someone else is judging you. Could you be love? Could you be love? Could you be love? Could you be love? Monsieur Gilberto Gil sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel, reprenant bien sûr, vous l'aviez reconnu, un grand titre. Un grand titre de Monsieur Bob Marley. Yeah, yeah, yeah, c'est la joie sur Arc-en-Ciel. C'est la joie car à 17h nous allons retrouver bien sûr l'émission consacrée au livre La vie comme elle va. Et bien sûr on retrouvera Eliane, Irène et Jean-Pierre. Et puis à 18h, musique traditionnelle sur Arc-en-Ciel avec Violette. Kira yo ay moñ mala neex yuru daw te kiriba ye la kira yo ay moñ mala neex yuru daw te kiriba ye la kira yo ay moñ mala neex yuru daw te kiriba ye We'll be right back.